La Corée fait promouvoir l'exploitation de la zone spéciale de tourisme international Mobon sur 20 km² de superficie. Y seront aménagés les hôtels, hippodromes, terrains de golf, stations de bains chauds, chutes d'eau, endroits de promenade, etc. Les entrepreneurs étrangers peuvent séparément y mener les activités gestionnaires selon la loi des zones d'exploitation économique coréenne. Le gouvernement de notre République a pris la mesure de faveur telle que la baisse du bail et des impôts sur le revenu aux entrepreneurs qui investissent à la construction de l'infrastructure et produisent les produits techniques de pointe et les marchandises de tourisme de concurrence mondiale dans la zone spéciale de tourisme international Mobon.